sua de belle parole. Femme son créature qui doit. Y'a trompé qu'à soi de belle parole. Mais y'a remarqué aucun trop importance. Y'a voulu jeter au comme si on a souffrance. Que au bien trop importance, y'a voulu jeter au comme si on a souffrance. Femme qui gésie tout partout, remède garçon, c'est pas colo. Femme qui gésie tout partout, remède garçon, c'est pas colo. Mes chéris, moi même, yo bêtise, yo passe en avance. Le ou déclaré, mes chéris, moi même, yo bêtise, yo passe en attente. Cherche au moyen pour battre Thomas. Viendra rentrer au cité qui compte là. La cherche au moyen pour battre Thomas. Mais maman chérie, pas vite surveiller. Allez où vous en, papa tête chargée. Mais maman chérie, pas vite surveiller. Allez où vous en. Ma bande tête chargée. Yo con l'autre système pour y adopter. C'est à l'extrême. Yo con l'autre façon. Yo dit ou sans façon. Si ou pas gen gros bandiguette, la boue gado comme pox en bec. Si ou pas gen gros bandiguette, la boue gado comme pox en bec. Allez non, allez ou là-bas. Je m'en pas vivre, mesdames. Allez, non, allez où là-bas. Moi, papa, je m'en pas vivre, mesdames. Allez, allez. Pas gagné, pas besoin. s'arrête, s'arrête. Pas besoin de pas m'aider. Très, très, très, très grave sur l'habitation. Pas besoin de pas m'aider. Femme coloquette. C'est mon pour mon respecté, ouais. Ah. Un homme qui jeune garçon, si vous pouvez avoir une femme coloquette dans la main, vous pouvez avoir une femme. Vous pouvez avoir une femme. Ah, mon ça yo. Vous pas avoir l'autre nourriture. Banane à poisson. Ou bien tu qui la poivre. C'est pour plus vite. Ah. Alors le plus souvent, mon sort toujours une petite conversation. On prend. Vous posez, vous comprenez. C'est vous là, par contre, ça passe, camarade là. L'arrivée posée, m'a posé une question. Qui question qu'on va lui poser? Chérie, qui signe? Qui signe? Alors, la pendule qui est au scope, ça va une bonne femme répondre. Oh, signe-moi, signe-moi. L'argent, tout ça, deal. L'argent. Là, dit chérie, on a le bon diplôme là-dedans. L'argent. Là, dit chérie, on a le bon belle. L'argent. L'argent, tout le champ de choses. L'argent, tout sort-il. L'argent. Bon. Mais pas qui pirate là. Moun sa yo. Ou bien doit lever demain matin. La gade ou. Ou ap gade. Pas même mon tichi. Même mon prenne figue. Ah. Bon, mais pas qui pirate là. Le plus souvent. L'on va dormir la caille, moun sa yo. Pantalon, c'est tout le clou la caille au coquille. Alors, moun sa yo. Yo toujours bon petit j'en pas comme d'adi ou y'a bon petit caresse on peut passer maintenant tête ou fait petit capou ou bon ou et doit dans oreille ou comprendre alors façon pour pas attendre pour moteur on peut pas attendre pour moteur on peut mais moteur pas grand marcher l'autre jour parce qu'il arrive marcher sur trois cylindres attendez c'est kata kata kata kata kata kata kata kata kata comprendre alors viens jouer nous même ou bon petit j'en sans suivre. Sans sucre, on va vite la posséder, on va connaître. On va connaître qui soit, ouais. Oh, oh. Pantalon tombe, maintenant c'est tcha tcha tcha, ça monte pas mal. Il y a là où est qui boye, où est cotoye. Bon. Pas qui grave, l'autre va dormir la caille, mon saillot même. Le plus souvent, pantalon c'est tout dans ce senti. Le coquet pantalon dans le cloua. Alors la pression, vous allez lever dans la nuit là, pour la jouer dans le pantalon, vous comprenez. Des 20 poulies, au lieu de pantalon dans cette IA, c'est deux pieds pantalon le coquet. Pantalon vite tête en bas. Tout sort possédé, tout tombe dans le plancher. Alors, vite le plancher qui est tout, on va lancer la dépouille. Hein? Bon, ça c'est toi qui est là, méchaille là. Maga qui vire là. L'autre doit la gamme de chayo. C'est quand on t'a dit, c'est quand on doit aller. L'aime tout ça. Moun. Tous ces garçons. Garçon, les conseils à moi, même paraît dans la porte là, il paraît dans la porte là. Avancez, le suivant qui laisse quitter là avant, rentrer, le suivant qui laisse quitter là avant, rentrer, le suivant qui laisse quitter là avant, rentrer. Alors qu'on a haïtien, l'autre haïtien côté, faut toujours garder ton bagage. Par contre, ça passe, n'est-ce pas, on va faire discussion. Oh oui, depuis 6h du matin, là, ou papa s'en va. Ou papa s'en va, moi. Ou fait que vini, ou papa s'en va, moi. Ou papa s'en va, moi. Et puis, pour mademoiselle, même, qui paraît en porte, la chevelle, gaillé, sué pour petit bouquin. Qui paraît qu'il tombe à bégué. Non, papa, fais ça. À faire discussion. Tout a passé. Ou passez déjà ou même, ou avez une double encore, ou passez déjà. On pourrait moun sa yo. Yo mette que pelle à sa main yo. Yo pas jamais. Alors même qui jeune garçon rempli d'avenir, faites attention. Babi de kembe la za tourne en main ou, pour moun sa pas faire la dernière sou. Femme coloquette, hey! pas mesdames. Allez-vous-en, ancien photo à pédale, coussin PC, bois fouillé, corrède, coloquette. Moi, des changements, outside.